بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد شاف خير سورة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته et bienvenue à notre série de séminaires encore une fois sur les sciences de l'Coran al-Karim et toujours avec notre partie sur le message du Coran, le message du livre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. On est avec le premier chapitre qui traite d'une petite introduction au message de l'Coran al-Karim. Quand on parle d'une introduction, ça ne veut pas dire introduction au cours en tant que telle. N'est-ce pas? Vous voyez, ça fait quand même quelques heures qu'on est en train de parler de ça. On parle là d'une introduction, ça veut dire qu'on veut introduire une personne qui n'en connaît pas beaucoup, par exemple, sur l'Coran al-Karim. On veut lui en parler. Si quelqu'un va vous dire c'est quoi le Coran, ça parle de quoi, etc. Un non-musulman, par exemple, vous allez pouvoir lui donner beaucoup d'informations sur ça, Inch'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et toujours avec la troisième et dernière section, on a déjà parlé bien sûr des thèmes qu'on retrouve dans le Coran Karim. On a parlé des styles qui sont utilisés dans le Coran Karim. C'est entre guillemets comme ça utilisé, bien sûr, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on passe, ou bien on a passé à la troisième section qui nous parlait des miracles. I'jazu al-Qur'ani al-Karim. On avait dit que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il était un livre, c'était un miracle que Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un miracle qui était éternel, qui va rester jusqu'à la fin des temps. Et on a mentionné qu'il y a plusieurs aspects, plusieurs angles qui représentent cet aspect de miracle, de i'jaz, de al-Qur'an al-Karim. Le premier aspect qu'on avait mentionné, c'est lequel? I'jazu al-lughawi. Ça veut dire le miracle, les miracles linguistiques du livre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. On va passer maintenant à une autre forme de miracle qui est al-i'jazu al-khabari. Les miracles informatifs. Les miracles informatifs, ça veut dire ici, on parle du fait que le Coran al-Karim nous a informé de certaines choses qui ne peuvent pas être connues sauf par un miracle. Sauf par un miracle. Ça veut dire que c'est impossible qu'un être humain normal puisse avoir accès à ces informations et nous les fournir de la sorte. Par exemple, pour ce qui a trait à nos croyances, aqaiduna, le Coran al-Karim, il nous parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous parle des anges, al-Malaika alayhim salam. Il nous parle de la vie après la mort, etc., etc., etc. Est-ce que ça fait partie de l'invisible? Oui, c'est alamul ghaib, qu'on ne peut pas inventer par nous-mêmes. C'est quelque chose qui fait partie de l'invisible. Ce n'est pas des faits qu'on peut vérifier de façon qui est matérielle comme ça. Bien sûr, quelqu'un peut nous dire, mais ça, n'importe qui peut inventer des informations comme ça et dire que c'est la vérité. On va dire, non, ce n'est pas seulement ça, c'est que le message que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a ramené, le Coran Karim, il nous parle de notre croyance de façon qui est très homogène, très logique. Quand tu vas lire ça, tu ne vas pas dire que ça, c'est des contes de fées, que c'est des histoires pour enfants. Il y a une différence entre ta croyance que tu vas apprendre dans le Coran al-Karim et entre un film de science-fiction. N'est-ce pas? Quand on va parler des extraterrestres et des aliens, etc. Ça, quand tu es en train d'écouter ça, ça se ressent comme étant quelque chose qui est... C'est du faux, c'est de l'imaginaire, n'est-ce pas? Le Coran al-Karim, notre croyance, notre aqida, c'est quelque chose qui est homogène, c'est quelque chose qui est normal. Quand ça te parle de al-qadr d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, tu apprends sur le qadr, tu vas dire que oui, ça c'est la vérité, je ressens ça, que ça c'est vraiment quelque chose qui est logique. Encore plus que ça, c'est quelque chose qui peut être vérifié de par les livres de Ahlul Kitab, des juifs et des chrétiens. Ça parle de la même chose. Ça te parle des anges, le malaïka alayhim salam, ça te parle du jour dernier, etc. Ça veut dire que le prophète alayhi salatu wasalam n'a rien ramené de lui-même. Bien sûr, l'accusation dont on a traité quand on a parlé de l'histoire du Coran Karim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Innama yu'allimuhu basharun. Les polythéistes, ils ont dit non, cet homme Muhammad, il reçoit ses enseignements d'un savant. L'un des savants, des juifs ou bien des chrétiens, comme ça lui a dit, voilà, ce que tu dois dire dans ta religion, qu'il y a des anges, telle et telle et telle chose. Et lui, il répète du par cœur d'informations qui sont dans At-Tawrat et dans Al-Injil. Et ça, c'est faux, ce n'est pas vrai. Historiquement, c'est parce que ce n'est pas prouvé. C'est prouvé que historiquement le prophète alayhi salatu wasalam était illettré, il n'a jamais rencontré de personne qui était un savant de Ahlul Kitab. C'est pas mentionné qu'il a passé 10 ans ou bien 15 ans avec un historien de Ahlul Kitab pour qu'il lui apprenne tout ça. Et deuxième chose, c'est parce que fil Qur'an al-Karim, c'est certain et indiscutable que ta croyance, elle est expliquée de façon qui est meilleure et plus précise et plus logique que ce qui est dans les livres altérés de Ahlu al-Kitab. Ça veut dire l'évangile et la Torah qui ont été altérés et modifiés. Voyez-vous ? Ça veut dire quand tu vas lire dans les livres de Ahlu al-Kitab, tu vas trouver des choses qui sont illogiques. Que ça, c'est clair. Que c'est clair que ça, c'est une altération. Ça ne peut pas être la vérité. Tu vas lire sur l'histoire de certains prophètes qui sont dans la Bible. C'est des prophètes qui existent, auxquels nous on croit, mais ici on parle de la Bible qui est altérée, le message qui est altéré, qui n'est pas le vrai message d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa pleine version. Et tu vas trouver la vie de certains prophètes, et tu vas trouver que ça te dit que tel prophète, il a trompé son épouse avec la femme de l'un de ses soldats, et telle chose, et telle chose, et telle chose. Et comme une fois un savant, il a dit comme ça, un chrétien est en train de débattre avec lui, il a dit honnêtement comme ça, honnêtement. Le commun des personnes de nos jours, sauf exception, est plus pur qu'un tel prophète. N'est-ce pas? Un prophète comme ça, qui va, n'est-ce pas, il va tomber dans le haram avec l'épouse d'un de ses soldats, et toute une histoire comme ça sur le haram, etc. Ou l'iyadu billah. Comment on appelle ça de nos jours? C'est un voyou, ça, c'est pas quelqu'un, n'est-ce pas? C'est normal, les gens vont dire c'est pas quelqu'un, c'est pas une personne de religion, c'est pas une personne de valeur, sans parler d'un prophète ou bien autre chose. Voyez-vous donc, fi kitabillahi azza wa jalla, tu vas trouver le contraire. Tu vas trouver que tous les prophètes, tous les messagers, ça te donne les meilleurs des exemples, des récits qui sont respectés, etc., etc., etc. Tu vas trouver que ça c'est logique, ça c'est logique. Il n'y a pas de contradiction dans les histoires. Les histoires ne contredisent pas les faits qui sont historique, etc., etc. Et bien sûr, ça, c'est tout un sujet et toute une science qui ne va jamais se terminer si on va entrer dans les détails en quelque sorte. Mais comme je l'ai mentionné, puisque Ahlul Kitab, ils disent que la Torah et l'Évangile, même dans les versions qu'ils ont de nos jours, ils disent que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est logique, logiquement comme ça? Est-ce qu'un homme peut inventer, un homme qui s'appelle Mohammed, est-ce qu'il peut inventer un message qui serait plus parfait que le message de Dieu? Même s'il est inspiré, disons comme ça, il est inspiré du message de Dieu. Quelqu'un, il est venu comme ça, il a appris la Torah, l'Évangile, il a vu tout ce qui était à l'intérieur, etc. Mais après ça, il a pu développer avec les mêmes informations un message encore meilleur. Et plus homogène, plus organisé, plus logique. Est-ce que ça fait du sens? Ça veut dire que cet être humain, il est meilleur que son créateur, wal'iyadu billahi ta'ala. Voyez-vous donc, ça ne se peut pas. Ça ne se peut que ça soit la parole, c'est seulement la parole d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala qui peut être meilleur que ça en quelque sorte. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Wa innahu la fi zuburi al-awwalin awalam yakun lahum ayatan » أَيَّعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلِ أَيَّعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلِ N'est-ce pas un signe pour eux que les savants de Banu Israël, ils savent que ça c'est la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les juifs qui parfois éprouvaient le prophète alayhi salatu wasalam, ils le testaient lors de sa vie alayhi salatu wasalam, n'est-ce pas? Une fois ils sont venus chez lui, ils ont dit on veut vérifier que toi tu es un prophète, parle-nous d'un homme comme ça qui était un roi, un dirigeant. Ils ont demandé certains critères comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé l'histoire de Dhu al-Qarnayn, qui est fi surati al-Kahf. Et ça, c'est l'histoire que c'est impossible que ça soit une personne comme ça, normale, qui puisse la connaître. Et vous savez quoi? Une autre chose qui est importante, juste pour vous mettre comme ça en contexte, même si je pense qu'on a déjà parlé de ça un peu, quand on a parlé de l'histoire du Qur'an al-Karim. Faut toujours te rappeler que dans leur temps, les gens n'avaient pas l'accès facile à l'information comme de nos jours. De nos jours, quelqu'un te pose une question, tu peux avoir l'air de connaître et d'avoir oublié. Ah, tu sais quoi, laisse-moi juste me rappeler comme ça demain. Aujourd'hui, je n'ai pas de temps, demain je te ramène la réponse. Il va aller à la maison, Il connaît rien. Il va prendre du par cœur et il va ramener la réponse. Et malgré ça, subhanallah, avec tous les outils dont on dispose aujourd'hui, et je vous... Ça, c'est un défi que vous pouvez le faire. C'est pas nécessaire de le faire, c'est pas très important, mais juste pour vous donner la différence entre les deux. Prenez n'importe quel juif et chrétien comme ça dans la rue, même les personnes les plus pratiquantes. Asseyez-vous avec cette personne. Dites-lui, allez, raconte-moi l'histoire de David, du début jusqu'à la fin, comme elle est dans la Bible, comme Dieu l'a révélée. Raconte-moi l'histoire de Jésus, de Moïse, de telle chose. Combien de personnes vont pouvoir vous répondre? Très, très peu de personnes. Si ce n'est pas presque personne. Même les personnes qui sont comme ça, des personnes de religion, qui étudient la religion, etc., ils vont vous dire, « Oui, je vais voir mes références, etc. Regarde dans tel verset, ça dit telle et telle et telle et telle chose. » Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est facile. Tu ne peux pas facilement comme ça prétendre que le prophète, alayhi salatu wassalam, lors de son temps, alors qu'il était illettré, n'est-ce pas, il n'avait pas de père, il n'a pas grandi avec un père, il n'a jamais étudié chez de grands savants, etc. Il n'a pas fait de long voyage dans sa vie, alayhi salatu wa salam, surtout pas avant de devenir un prophète. Tu ne peux pas prétendre que le prophète, alayhi salatu wa salam, a appris tout ça comme ça. Comme il y a encore une fois certains mustashriqin et certains des Ahlul Kitab, des chrétiens comme ça et des juifs arabes. Ils ont pris l'histoire de Bahira, Ar-Rahib. Le prêtre Bahira, qui est mentionné dans la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, comme étant quelqu'un qui a vu les signes de la prophétie sur le prophète, alayhi salatu wassalam, avant qu'il ne devienne prophète. Et il avait prédit que lui, il va devenir un prophète. Il porte les signes d'un prophète. Eux, ils ont prétendu que le prophète, alayhi salatu wassalam, a appris toutes les histoires d'Ahlul Kitab de cet homme-là. Est-ce logique? Est-ce que tu peux passer une journée comme ça avec un homme et apprendre toutes ces histoires? Toutes les histoires de tous les prophètes et de tous les messagers et l'enfer et le paradis et tous ces détails. Et venir toi écrire quelque chose que même ton enseignant n'a pas pu écrire. C'est impossible. Voyez-vous, c'est quelque chose qui n'est pas. C'est tout simplement impossible. Et dans l'autre verset, Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, il nous parle de... c'est ça, c'est le point que j'ai oublié, je m'excuse. Une autre chose. Quand on parle de Ahlul Kitab, des gens du livre, les gens du livre, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous décrit qu'est-ce qu'ils ont fait après que leurs prophètes, ils ont quitté. Et nous demande de ne pas commettre la même erreur. C'est quoi l'erreur que les savants des gens du livre, ils ont fait? Qui est mentionné dans le Coran al-Karim. Ils ont vendu la religion, quoi d'autre? Oui. Taïb, iftara ala Allah al-Kadib, les mensonges, quoi d'autre? Il y a autre chose qui est prouvée, même par la vérité. Même de nos jours, les chrétiens, les juifs ne peuvent pas démentir un tel fait. Oui. Appris par cœur sans comprendre. Taïb. Quoi? Yuharifuna. Taïb, plusieurs choses. Mais la chose que je cherche ici, c'est quoi? Ils ont dissimulé, ils ont caché la vérité. Ils ont caché la vérité. Ça veut dire une grande partie de la religion. Ils n'ont pas partagé la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien au contraire. Comme le frère il a dit, ils ont trouvé que la religion c'était une opportunité pour te faire de l'argent. Et comme la connaissance est une puissance, ils se sont dit cette connaissance, on va la préserver pour nous-mêmes. Ces gens-là, les peuples, le bas peuple, les masses, on va les laisser dans leur ignorance. Et ça, c'est prouvé. Si tu vas étudier l'histoire de l'Europe, etc., etc., n'est-ce pas? Les gens ne connaissaient pas leur religion dans les détails. C'est pas comme nous en islam. Allah subhanahu wa ta'ala, il demande aux ulama, « Wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunnahu linnasi wa la taktumuna. » Le savant, il a l'obligation de propager. Même si ça va lui coûter cher après ça, il a l'obligation. Il peut pas garder la science pour lui-même. Ahlul Kitab, ce n'était pas la même chose. Ils ne partageaient pas avec leur peuple, avec leur masse. C'était pour l'élite. La religion, l'accès aux détails de la religion, c'est les hommes de religion comme ça, les personnes religieuses, les prêtres, les curés, etc. Tu dois être le fils de quelqu'un pour pouvoir avoir accès à ça. Alors, comment est-ce que le prophète, de par quel privilège, le prophète, alayhi salatu wassalam, aurait eu comme ça un homme de Ahlul Kitab, l'un des savants qui va lui dire, viens mon fils, je vais te prendre et je vais t'apprendre la religion. Le prophète, alayhi salatu wasalam, ni il était le fils d'un dignitaire des juifs, ni des chrétiens, n'est-ce pas? Ni il avait des relations de commerce avec eux, ni il était riche pour leur donner de l'argent, ni rien du tout. Il venait d'une famille qui était digne parmi les Arabes, c'est vrai, mais sa famille et sa tribu, c'était des mouchidikines, ce n'étaient pas des Ahlul Kitab, c'était des polythéistes. Voyez-vous? Donc, le prophète, alayhi salatu wasalam, n'aurait pas pu avoir accès à une telle science, parce que si Bahira al-Rahib ou bien tout autre savant d'Ahlul Kitab voulait former un étudiant, il aurait pris quelqu'un de son propre peuple à lui et de ses propres tribus et de ses propres proches en quelque sorte. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Karim, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ. On t'a révélé ce message qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui représente une vie, c'est comme une âme, un esprit d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un ruh. Ma kunta tadri mal kitab wala al-iman. Le prophète, alayhi salatu wasalam, tu ne savais ni c'était quoi le livre, ni c'était quoi la foi. Avant de recevoir ce message d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire encore une fois, historiquement, avant de recevoir le message, le prophète, alayhi salatu wasalam, n'en savait rien. L'histoire le prouve? Oui, elle le prouve. Est-ce que le prophète, alayhi salatu wasalam, avait une place spéciale en tant que personnalité religieuse chez Quraysh avant de recevoir le message? Non. Est-ce que ça dit comme ça que le prophète, alayhi salatu wasalam, pendant 20 ans, il leur disait, moi je suis un homme de religion, il leur racontait l'histoire de Moussa, de Moïse, de Isa, alayhi salam, etc. Et après ça, après 20 ans, un jour, à l'âge de 40 ans, il a dit, ça y est, à partir d'aujourd'hui, je suis le prophète. Non. Même les mouchriquins de Quraysh le savent. Le prophète, alayhi salatu wasalam, avant ça, ne leur a jamais parlé de religion, ni de sa connaissance de la religion. C'est apparu de nulle part. Est-ce qu'on peut imaginer quelqu'un qui va faire, je ne sais pas moi, sa maîtrise, il veut devenir un savant, il va le faire dans sa cave, comme ça, il va descendre en bas, au sous-sol, il va se cacher, il fait des études. Et quand il rencontre ses amis, il agit comme la personne la plus naïve et la plus ignorante au monde. Il ne place même pas de commentaires, il ne partage aucune information pendant 20 ans. Et après 20 ans, il dit « Ah, aujourd'hui je suis devenu un docteur, vous ne le saviez pas, mais je suis docteur à partir d'aujourd'hui. » Est-ce que c'est logique? Aucun être humain ne peut jouer un tel théâtre comme ça pendant plusieurs années. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. La même chose, Allah subhanahu wa ta'ala dit que nous on te raconte les meilleures histoires de par la révélation de ce Coran, alors que avant ça tu faisais partie de الغافلين, ça veut dire tu ne savais pas. كنت في غفلة عن قصص السابقين, tu ne connaissais pas toutes ces histoires que Allah subhanahu wa ta'ala a fait avec les prophètes du passé. Tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hadha. Écoutez un autre verset, il dit subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, ces histoires qu'on te révèle, et ça c'était après l'histoire de Nuh alayhi salam, du prophète Noé, juste après Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète alayhi salam, ça fait partie des histoires de al-ghaib, de l'invisible, parce que le passé fait partie de l'invisible, tu n'étais pas là. Tu ne peux pas le voir. Ça veut dire que tu dois avoir une source fiable pour pouvoir raconter ces histoires. Tu as reçu d'où ces informations? Il dit subhanahu wa ta'ala, toi, tu n'en connaissais rien sur ces histoires, ni ton peuple. Encore une fois, le peuple du prophète, alayhi salam, Quraysh, c'était en général des illettrés. Eux, ils avaient un complexe même envers Ahlou Al-Kitab, envers les gens du livre, un certain complexe d'infériorité sur la question de religion, parce qu'ils savaient que eux c'était des mouchriquins, ils avaient des idoles, etc. Mais ils ne comprennent rien, la vie des prophètes, etc. Ils n'en savent rien. Donc ils avaient un complexe que Ahlul Kitab, qui vivait aux alentours de eux, comme à la Médine, etc., comme les Juifs, etc., étaient plus instruits. Et eux, ils étaient complexés envers eux, en quelque sorte, jusqu'à ce que le prophète, alayhi salatu wasalam, a été envoyé par Allah, subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. La même chose, quand on parle de l'aspect informatif aussi dans le Coran Karim, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle aussi parfois de choses qui allaient se passer à l'avenir et qui par la suite, il s'est avéré que c'était la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez ce hadith authentique عن نيار بن مكرم الأسلمي رضي الله عنه قال لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم الآية كانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين الروم وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل كتاب أو أهل الكتاب. Écoutez, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé les premiers versets de sourate Ar-Rum, la sourate des Romains. Les Romains, c'était qui? C'était l'Empire byzantin dans ce temps. Ça, c'était l'une des deux grandes puissances dans le monde. Il y avait l'Empire byzantin et l'Empire perse, Faris. Et les deux étaient en conflit. Il y a eu une guerre entre les deux. Les Perses ont gagné contre les Romains. Alors, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit? Il a révélé des versets qui disaient Roulibati Rum. Les Romains ont été vaincus. Fi adna al-ardi. Wahum min ba'di ghalabihim. Sayaghlibun. Fi bid'i sinin. Et eux, après leur défaite, ces Romains, ils vont gagner. Dans un bid'a de sinin. Le mot bid'a dans la langue arabe réfère à un nombre qui est entre 3 et 9. Al-bid'a, c'est entre 3 et 9. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, dans 3 à 9 ans, Ar-Rum, ils vont gagner. Wa yawma idh yafrahu al-mu'minun. Et ce jour-là, les croyants vont se réjouir. Pourquoi est-ce qu'ils vont se réjouir? C'est parce que les croyants, bien sûr, ils étaient persécutés par al-mushrikin, par les polythéistes dans l'Arabie. Et comme il nous dit ici dans le hadith, n'est-ce pas? C'est comme il y avait deux camps. Les musulmans, ils aimaient que les Romains, ils gagnent. Pourquoi? Parce que les Romains étaient des gens du livre, étaient des chrétiens. Ils sont plus proches de la tawhid que les Perses, qui étaient des mouchidikines, des polythéistes, qui adoraient le feu, etc., etc. Les Arabes de Quraysh, c'était des mouchidikines. Ils aimaient que les Perses gagnent contre les Romains. C'est parce qu'ils sont plus proches de leur croyance que les Romains, qui sont des chrétiens. Donc là, quand les mu'minines, ils ont vu que les Romains ont été vaincus par les Perses, ils ont été un peu tristes. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que dans quelques années, eux, ils vont gagner. Ce sera les Romains qui vont gagner. Alors ici, quand ce verset-là a été révélé, il dit ici, فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ يَصِيحُ فِي نَوَاحِي مَكَّةَ ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين فقال ناس من قريش لأبي بكر ذلك بيننا وبينكم يزعم صاحبك أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين ألا نراهنك على ذلك قال بلى. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Dès que ces versets-là ont été révélés, Abu Bakr était content, radiyallahu anhu. Il est sorti dehors et il a commencé à réciter ces versets dans la Mecque. Il y a certains des polythéistes, ils ont dit, qu'est-ce que tu es en train de dire? Ton ami vient de t'inventer quelque chose de nouveau? Les Romains vont gagner? Impossible. Si tu veux, on va même parier. Tu veux parier? Il a dit oui. Et comme il nous dit ici dans le hadith, ça c'était avant que le pari ne devienne interdit. Encore une fois, on parle ici à la Mecque, n'est-ce pas? À la Mecque, est-ce que les détails de la législation étaient révélés? Pas encore. Donc, le pari n'était pas encore interdit à ce point-là. C'est pour ça qu'Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, il s'est engagé dans ce pari et que par la suite, il a gagné dans le pari, comme le hadith il le mentionne après ça, parce que le hadith en tant que tel est lent. Vous comprenez? Donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé de quelque chose à l'avance, de quelque chose à l'avance qui s'est confirmé par la suite. On peut donner un autre exemple. Il y a une ayah, un verset, une sourate comme ça, une petite sourate comme ça, qu'on récite à chaque fois, qui nous parle de l'un des leaders de Quraysh. C'est quoi cette sourate? Sourate al-Masad. Qu'est-ce que ça dit, sourate al-Masad? C'est quoi le sens? Ça dit quoi? Tabbat yada abi lahabin wa tab. N'est-ce pas? Etc. etc. Après ça, ça te dit quoi? Cet homme-là, lui et sa femme, ils vont être en enfer. Alors que cet homme-là était vivant, voyez-vous? Ça, c'est une information du présent qui te parle de l'avenir, de son sort dans l'au-delà. Alors qu'il était encore vivant, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit que toi, tu vas aller en enfer. Les ulama, comme ils disent, si ça, ce n'était pas le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce Abu Lahab qui se cassait la tête tellement pour faire la guerre au prophète, alayhi salatu wa salam, Et Quraysh, qui avait tellement de peine à faire face à ce message du prophète, alayhi salatu wasalam, ils ont fait la guerre, ils ont risqué leur vie, etc., etc., juste pour essayer d'éradiquer sa religion et son message, ils n'ont pas pu le faire. S'ils pouvaient le faire, si c'était vraiment le message d'un être humain, la solution la plus simple aurait été quoi? Abu Lahab, il va dire, « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Je suis un croyant maintenant, je deviens un croyant, je vais faire la prière et je vais devenir quelqu'un de pieux, etc., etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit, toi, tu vas aller en enfer, alors que lui, il va dire, pourquoi je vais en enfer? Regarde, je viens de me convertir à l'islam, je suis quelqu'un d'intègre, etc., etc. Je mérite le paradis. Ça veut dire ce que ton Coran il dit, ce n'est pas là. Vérité, n'est-ce pas? Mais Allah Azza wa Jal, sarafahu an dhalik, il ne peut pas le faire. C'est parce que ça, il s'est écrit dans le qadr d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il l'a su à l'avance que c'est écrit dans le qadr d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas? Donc, lui, Abu Lahab, c'était le qadr qui était connu à l'avance, qui va aller en enfer. Voyez-vous, donc ça fait partie de ces miracles qui t'informent à l'avance dans le livre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Il y a d'autres versets, bien sûr, il y a d'autres miracles comme ça, on peut considérer comme les miracles. Allah subhanahu wa ta'ala, regarde ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Je viens de me rappeler de ça. Ça, ce n'est pas un fait comme ça, ce n'est pas un événement, c'est quelque chose qui se répète jusqu'à la fin des temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit à l'avance. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Les juifs et les chrétiens ne vont jamais être satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur voie, leur religion. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit, quand ça a été révélé, ça fait 14 siècles. On aurait pu dire, c'est parce que le prophète, alayhi salatu wasalam, avait des problèmes avec eux, etc., etc. Non. C'est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est vrai encore après 14 siècles? Oui, c'est vrai. Même toi, qui ta religion, même si nous, on croit que notre religion, bien sûr, c'est al-haq, inna dina inda Allahi l'islam, mais de façon relative comme ça, notre religion, l'islam, est plus proche du christianisme et du judaïsme que le polythéisme et que l'athéisme et que plusieurs autres choses, n'est-ce pas? C'est parce que nous, on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, des anges, des prophètes, on aime Jésus, Isa alayhi salam, etc. On est plus proche. Même si nous, c'est la vérité. Normalement, ils sont plus proches de Al-Haq. Mais on est en train de dire ici parce qu'on voit ça d'un autre angle. Mais malgré ça, jusqu'à aujourd'hui, ils préfèrent que tu deviennes polythéiste, athée, n'importe quelle chose, mais que tu ne restes pas sur ta religion. Et ne sont jamais satisfaits jusqu'à ce que tu vas faire des concessions sur toute ta religion. On veut que tu enlèves ça. Ça, on n'aime pas dans ta religion. Ok, et ça aussi. Et ça aussi. Et le plus que tu enlèves, ils vont demander plus. Enlève plus, enlève plus. Et même la prière, si tu auras juste la prière, mais pourquoi la prière? Même la prière, ils ne la veulent pas, n'est-ce pas? Quand tu pries, plusieurs d'entre eux n'aiment pas la prière. C'est quoi le... Je prie Dieu. Toi, tu prétends que tu aimes Dieu, que tu crois en Dieu, etc. Je suis en train de prier. Je parle avec Dieu. Est-ce que c'est mal? Oui, c'est mal. Voyez-vous? وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Ça, c'est un miracle dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'informe à l'avance. Non. Oui, bien sûr. Quand, qui sont quoi? Non, qui se convertissent, une personne qui se convertit, ce n'est plus un juif ou un chrétien. Alors, hukmul muslimin, n'est-ce pas? On parle ici des juifs et des chrétiens qui sont encore juifs et chrétiens et pas de tous. Mais ça parle de la tendance générale. Il y en a qui te disent, moi je m'en fous et j'aime bien ta religion et c'est bien, etc. Et je t'encourage. Il y a des personnes comme ça, ils te disent, je t'encourage à continuer, c'est bien. Ça t'apprend à devenir une bonne personne, etc. Mais ça te parle de la tendance générale. Ça veut dire la tendance générale, c'est « لَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ millatahum. La même chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé au prophète alayhi salatu wasalam, il y a des munafiqin, des hypocrites lors de son temps alayhi salatu wasalam, qui cachaient des choses, qui complotaient, qui préparaient des choses au prophète alayhi salatu wasalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il révélait. Ah, les munafiqin, ils font telle chose. Ah, les munafiqin, voilà comment est-ce qu'ils pensent. Ah, voilà ce qu'il y a à l'intérieur de leur cœur. Ils ont été presque comme ça, entre guillemets, comme ça, presque dénudés, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas se couvrir. Mis à découvert, les munafiqin. C'est pour ça que Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, comme dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, l'un de ses étudiants qui s'appelle Saïd ibn Jubayr, قال, قلت لابن عباس, سورة التوبة, Il a dit, tu sais surat al-Tawbah, je ne sais pas, probablement qu'il voulait dire quelque chose sur surat al-Tawbah. Il a dit, al-Tawbatu hiya al-Fadiha. Ça, c'est le chapitre qui fait, qui t'expose publiquement comme ça. Il a dit, ma zalat tanzilu wa minhum hatta dhannu annaha lan tubqiya ahadan minhum illa dhukira fiha. Elle n'a cessé d'être révélée par Allah subhanahu wa ta'ala, verset après verset de cette sourate Tawbah qui nous parle beaucoup des hypocrites. Et certains d'entre eux, ils font telle chose. Et certains d'entre eux, il a dit jusqu'à ce qu'on a pensé qu'elle ne va laisser personne. Tous les munafiqines vont être exposés l'un après l'autre. قد نبأك الله من أخبارهم كما من أخبارهم نعم. طيب, on passe au prochain, à la prochaine forme de miracle qui est oui. Leur voix, exactement. Leur voix. Leur voix, une voix, millatahum. Et oui. Ok. Quand on parle ici de suivre leur voie, ce n'est pas nécessairement se convertir à leur religion. On parle de composante. Ça veut dire, comme Allah ce matin nous dit dans l'autre verset, حَسَدًا مِنْ عِنْدِي أَنْفُسِهِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ الْحَقِّ. Vous faites 5 prières par jour. Non, vous aimez Dieu trop. Nous, on n'aime pas, on ne fait pas tant que vous pour nous rapprocher de Dieu. Alors, faites pas vos prières. Il y a des musulmans parfois qui te disent comme ça. Voilà, des prétendus musulmans, comme ça, entre guillemets, je l'ai déjà entendu, wallahi. Hassad, il sait que c'est là, il te dit que moi je suis musulman. Mais quand il voit quelqu'un en train de faire du dhikr de plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, faire quelques prières de plus, quoi toi, tu veux être le premier au paradis? Fais moins, qu'est-ce qui se passe? Trop de religion, c'est pas bien là, tu veux être le seul au paradis? C'est quoi ton problème? N'est-ce pas, c'est quoi ton problème? Hasadam min indi infusihim. C'est la même chose. Parfois, ils te voient, les gens du livre, ils te voient. Et ils voient que, oui, ce que tu fais, ça a complètement l'air d'être la vérité. Ça s'apparente, ta pratique est plus proche même de la Bible altérée que sa propre pratique, sa propre façon de vivre. Il va dire, non, j'accepte pas ça. Je n'accepte pas que tu sois comme ça. Parce que je sais que si tu vas être comme ça, tu vas me devancer dans l'au-delà et même dans cette vie du bas-monde. Voyez-vous? Il sait que si toi, en tant que musulman, à l'échelle personnelle ou bien même à l'échelle collective, toi, en tant que nation, si tu vas vraiment pratiquer ta religion, c'est fini. Il n'y aura pas une superpuissance à part toi sur cette terre. Non, je ne peux pas accepter ça. Ça veut dire que toutes les richesses que moi je prends gratuitement de l'Afrique, n'est-ce pas? Et telle chose, je ne vais plus pouvoir les prendre. Non, je n'accepte pas ça. Alors, attention, il ne faut pas appliquer votre religion, il faut changer un peu, il faut être modéré, il faut nous suivre un peu, il faut qu'on vous propose de nouvelles façons de vivre, etc., etc. حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ الْحَقِّ. Nous, ça ne nous importe peu. On suit le message d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. وَحَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. طيب, on passe à la prochaine forme de miracle qu'on trouve dans le livre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, qui est Al-I'jazu al-Tashri'iyu. Al-I'jazu al-Tashri'i. Et moi, je crois que cette forme de miracle, Al-I'jazu al-Tashri'i, ça veut dire les miracles législatifs. Je crois que c'est l'une des plus importantes formes de miracle, surtout de nos jours. Mais c'est malheureusement la forme la plus négligé par nous en tant que musulmans. Voyez-vous, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a mentionné, il nous parle d'information, mais il nous parle aussi de législation, de bien et de mal. C'est quoi le halal, c'est quoi le haram? Il y a des lois à l'intérieur. Il y a des lois, des règles à suivre. Et ces règles-là sont des règles qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas les meilleures. C'est des règles qui sont parfaites. Elle vient du Créateur des cieux et de la terre. Voyez-vous, vous devez comprendre ce point, c'est très important. Ce n'est pas directement relié à notre sujet, mais une petite parenthèse comme ça. Tu ne peux pas être musulman, dire que tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas aimer ses lois, ne pas croire en ses lois. T'as un sérieux problème. T'as un bug. C'est gros comme bug. Ça veut dire que ça ne fonctionne pas. T'as quelque chose que tu es en train de cacher, que tu ne veux pas dire. Soit que tu ne veux pas réfléchir plus loin pour voir que c'est pas homogène, soit que tu n'es pas en train de dire la vérité. Tu prétends que tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu ne crois pas en lui. Parce que celui qui dit que moi je crois en Allah, c'est qui Allah? C'est qui Allah pour nous musulmans? Je ne parle pas ici de celui qui croit en Allah, qui répète des choses, parce qu'il a été jeune, il a dit Allah, il a dit moi je suis musulman. Allah, je dis Allah, c'est tout. Je ne sais pas c'est qui Allah. C'est qui Allah? Allah c'est le créateur des cieux et de la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît plus que Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus sage, de plus sensé, entre guillemets comme ça, que Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala manque de sagesse? Non. Ta'ala an dhalik. Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus miséricordieux, qui veut plus de bien que toi, que Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui t'a créé? Non. S'il y a un musulman qui dit le contraire de tout ce qu'on vient de mentionner, ou bien de l'une des choses qu'on vient de mentionner, on comprend bien que ce n'est pas un croyant, ce n'est pas un musulman. Si quelqu'un dit, non, moi ma mère elle m'aime plus que mon Seigneur, que mon Créateur, ou bien mon prof il connaît plus que Allah subhanahu wa ta'ala, ça ce n'est pas un croyant, on s'entend sur ça. Donc ça commence de la croyance. Si tu es convaincu de tout ça, numéro 1, et si tu es convaincu que tout ce qui est dans le Coran, lettre par lettre, mot par mot, ça vient de ce Allah qui est le créateur des cieux et de la terre. 1 plus 1 égale 2, il n'y a pas autre réponse. Ça veut dire que tout ce qui est dans ce livre, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quand il te dit, fais telle chose, est-ce qu'il le dit en sachant que c'est bien? Oui. Est-ce qu'il sait de quoi il parle entre guillemets subhanahu wa tabaraka wa ta'ala? Oui. Est-ce qu'il peut y avoir une meilleure chose que ce qu'il vient de te proposer? Non. Est-ce qu'il te veut du bien ou bien te veut du mal? Tu veux du bien. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usr. Voyez-vous, donc c'est pour ça qu'à cause de tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit très clairement: wa man ahsanu min Allahi afa hukma al-jahiliyati yabghun wa man ahsanu min Allahi hukma liqaumin. C'est une question de yaqin. Ça revient au yaqin, ça revient à la aqid, à la croyance dans le cœur. Y a-t-il quelque chose de meilleur que le hukm, la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit subhanahu wa ta'ala وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُقِنُونَ. Pour les personnes qui ont al-yaqin, y a-t-il quelqu'un qui est meilleur dans ses lois, dans ses ahkams, dans ses jugements que Allah subhanahu wa ta'ala? Impossible. Ça veut dire que tu ne peux pas être musulman et dire moi, j'aime pas la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Soit tu ne sais pas de quoi tu es en train de parler, tu répètes des choses comme ça, n'est-ce pas? On t'a appris des choses que tu répètes, ou bien que tu as un sérieux problème à l'intérieur de ta croyance. Tu prétends quelque chose à laquelle tu ne crois pas en réalité. Voyez-vous donc, nous on croit que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah subhanahu wa ta'ala il te dit fais et ne fais pas, tu sais c'est qui est en train de te parler? C'est celui qui t'a créé. Celui qui a créé toutes les créatures dans cet univers. Celui qui te donne à respirer à chaque seconde. Celui qui prend en charge la circulation du sang à l'intérieur de ton corps. Ce que toi, tu ne fais même pas. Ce n'est même pas des actes ici qu'on appelle involontaires. Il y a des choses involontaires comme ça. Tu vois une pierre en train de venir vers toi. Tu vas fermer tes yeux. Ça, c'est involontaire. C'est presque volontaire, mais c'est involontaire. Ça, c'est même pas ça. C'est inconsciemment. À l'intérieur de ton corps, il y a 1 million et plus de 1 million d'opérations qui se passent que toi, tu ne comprends même pas. Et tu ne vois même pas. Et ça se passe à chaque seconde. Et si ça s'arrête pour 3 secondes, t'es parti. C'est qui te fait tout ça? C'est Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé le passé et celui qui a créé l'avenir. وَيَخْلُقُ مَا لَتَعْلَمُونَ. Tout ce que nous, on voit de nos jours, l'Internet, et toutes les choses qui pourraient être exceptionnelles pour toi, ça ce n'est rien pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va créer d'autres choses dans l'avenir, n'est-ce pas, qui sont encore 1000 fois plus puissantes que ceux que nous avons aujourd'hui. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala le sait déjà à l'avance. etc., etc., etc. Quand lui, il te dit « fais » et « ne fais pas », est-ce qu'il y a quelqu'un de sensé qui va dire « j'ai pas confiance en ça » Là, tu ne peux pas le dire. Voyez-vous ?« وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُقِنُونَ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. Imaginez, je vous donne un exemple comme ça. Tu viens de t'acheter une voiture, n'importe quelle voiture, une Honda, une Mercedes, n'importe quelle chose. Tu mets la clé comme ça et tu es juste devant le concessionnaire. Il vient de te vendre la voiture. Et il est en train de te faire une présentation. Le vendeur là-bas, expérimenté, il te dit « moi, ça fait 20 ans que je travaille chez Mercedes. Je vais te montrer comment ça fonctionne et mes conseils, etc. » Et tu as ton ami juste devant toi et il dit « non, non, c'est pas vrai ce qu'il te dit. C'est pas vrai. Écoute, moi, je vais t'expliquer. » Et la deuxième « non, non, c'est pas vrai ce qu'il est en train de te dire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. » Qu'est-ce que tu vas dire à ton ami? Tais-toi. T'es qui, toi? T'as quelle crédibilité? T'es un fou? Ça fait 20 ans qu'il fait ça. Et toi, tu te prends pour qui? Voyez-vous? Et subhanallah, les êtres humains, ils viennent avec le peu de connaissances qu'ils ont, les mille et une erreurs qu'ils font à chaque jour et qu'ils regrettent à chaque soir. L'être humain, quand il est triste, pourquoi est-ce qu'il est triste en général? C'est parce qu'il regrette. Pourquoi j'ai fait ça? Et pourquoi j'ai fait ça? Et pourquoi j'ai fait ça? Et après ça, il vient et il dit, non, non, non, ça c'est discutable. C'est dans le Coran, mais c'est discutable. Moi, je vous propose quelque chose de meilleur. Subhanallah. Comme il y a une fois un savant, un alim, il a reçu la visite comme ça de quelqu'un, chez lui à la maison, qui voulait débattre avec lui sur des choses comme ça. Mais ya cheikh, pourquoi est-ce que dans le Coran, ça dit telle chose? Et c'est pas logique, et c'est parce que telle chose, et telle chose, et telle chose. Il a dit, on a fait toute la discussion, je lui explique, etc. En partant, il se prépare à quitter sa maison, la maison du cheikh, comme ça. Le monsieur, il dit, ben je te remercie pour le temps que tu m'as accordé, etc. En partant, il regarde à droite et à gauche, etc. Il dit, mais où est-ce que j'ai mis mes souliers? J'ai oublié où est-ce que j'ai mis mes souliers. Il a dit, subhanallah. من لا يحسن يتذكر موقع قدمه يجادل في كلام ربه سبحانه وتعالى. Toi, tu ne te rappelles même pas des pas, où est-ce que tu as mis tes pas, où est-ce que tu as mis ton soulier. Tu viens débattre avec le ilm d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا, comme Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit في القرآن الكريم. نعم. طيب. Donc, comme j'ai dit, ça c'est un domaine qui est très négligé de nos jours. Et moi, je vous dis que c'est très important, même si on peut avoir des frères et des sœurs ici qui vont se spécialiser, bien sûr, pas dans leurs études nécessairement, mais dans ton temps libre. Tu te spécialises dans ce domaine, ça serait une extrême grande bonne action que tu vas faire auprès d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Pour deux raisons. La première raison, c'est parce que c'est la langue de notre ère. Ce n'est pas vrai que de nos jours, les gens ne croient qu'aux miracles scientifiques. On met un peu trop d'emphase sur les miracles scientifiques. C'est vrai qu'il y a certaines formes de miracles, comme les miracles linguistiques, il n'y a pas beaucoup de personnes qui les comprennent. Mais de nos jours, c'est quoi la chose qui émerveille les gens? C'est quoi? Hein? La science, quoi d'autre? Démocratie, liberté, notre système politique, la civilisation, n'est-ce pas, l'ordre social, la société civile. C'est des mots comme ça que les gens les apprennent par cœur et ne comprennent rien. Mais il est tellement content de le dire. La démocratie, comme ça, il respire. Donc, les gens sont émerveillés par ce genre de choses. Par tout ce qui est le système, l'organisation, l'administration, les lois, les bons choix à faire, etc. Et si toi tu le ramènes du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé quelque chose d'encore meilleur, il y a de cela 14 siècles, et vous venez de vous rendre compte de tout ça, les gens vont te dire, ça c'est un miracle. Ça ne peut pas venir d'un être humain. La deuxième raison, comme je l'ai mentionné bien sûr, c'est bien sûr le fait que, même position défensive, sans même faire de da'wa malheureusement, il y a beaucoup de musulmans, de nos frères en islam, qui ont des doutes sur la législation, sur la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu te spécialises dans ce domaine, tu vas leur montrer l'aspect miraculeux de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens, ils vont te dire amantu billahi wa bi rusulih. Ça c'est la vérité, ça vient d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Donc comment est-ce que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala est miraculeuse? Première chose, quand les êtres humains, ils font leur loi, qu'est-ce qu'ils font habituellement? La loi, elle est changeable, modifiable à chaque fois, n'est-ce pas? Amendement et un autre amendement. Et il va y avoir un autre congrès qui va venir par la suite. Ils vont enlever tout ce que les autres, ils ont fait. Et le président d'après va dire, non, non, non, le président d'avant, c'était une catastrophe. Moi, je propose de faire ça totalement différemment, n'est-ce pas? Oui aux armes à feu, non aux armes à feu. Oui aux armes à feu, non aux armes à feu. N'est-ce pas? Ils font tout un débat sur des choses comme ça. Parce que l'être humain, il change. L'être humain, il change d'idée. L'être humain, il a un regard qui est limité sur la portée des choses. Il réalise ses erreurs seulement après les conséquences. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé une loi qui est stable. Le prophète, alayhi salatu wasalam, si c'était un être humain comme ça, normal, il ne prendrait jamais le risque de dire aux gens, voici la loi, et cette loi, à partir d'aujourd'hui, c'est interdit de faire telle chose, et c'est une vérité absolue, indiscutable, khalas, pour l'éternité. Est-ce qu'un politicien qui se cherche de l'argent, de la valeur, de l'estime, est-ce qu'il va prendre un tel risque? Tu sais jamais, peut-être que tu vas faire une loi, ça va se retourner contre toi. C'est toi qui vas perdre de l'argent, n'est-ce pas? Donc habituellement, quelqu'un qui cherche les intérêts, au contraire, il ne veut pas se restreindre. Il veut avoir le plus de flexibilité que possible. Il veut être libre pour que demain, si ça ne fonctionne pas, il a une meilleure idée, il change comme il veut. C'est pour ça qu'habituellement, les dictateurs, etc., ils prennent quoi? C'est quoi qu'ils cherchent? C'est le pouvoir. C'est quoi le pouvoir? Le pouvoir, c'est la liberté absolue. Ça veut dire, il n'y a rien qui me cerne. Je fais ce que je veux. Aujourd'hui, je vous dis c'est interdit. Demain, je change les règles. Je vous dis que c'est obligatoire. Personne ne parle. Personne n'a le droit de me dire. C'est ça un dictateur, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que les dictateurs, ils cherchent leurs intérêts. Le prophète, alayhi salatu wasalam, est en train de te dire complètement le contraire. À chaque fois qu'il te dit quelque chose, il te dit que ça, c'est la vérité absolue. Ça, c'est al-haq qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est fini. À partir d'aujourd'hui, ça, c'est interdit. Tu le fais, tu vas aller en enfer. Tu ne le fais pas, Allah subhanahu wa ta'ala te mène au paradis. Ça, c'est obligatoire à partir d'aujourd'hui, etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche des intérêts qui va se restreindre comme ça? Non. Et s'il y a quelqu'un qui le fait, ça veut dire qu'il ne connaît rien dans la vie, ni dans la politique, et il ne va pas avoir le succès que le prophète, alayhi salatu wasalam, il a eu. Ça veut dire qu'il va se cogner la tête après 5 jours, fini. Voyez-vous, donc Allah subhanahu wa ta'ala, l'un des miracles, c'est que cette loi-là, elle est arrivée al-haq. Ça te dit que ça c'est la vérité, le reste c'est al-batil, c'est un égarement du chemin d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, inna alladhina kafaru bidhikri lamma ja'ahum wa innahu la kitabun aziz. Que ce livre-là c'est un livre qui est d'une grande estime, aziz, irrésistible. Et après ça il dit, écoutez bien ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit. Ça c'est des versets qu'on connaît habituellement, qu'on récite toujours, mais on a tendance à les réciter comme ça. Juste en général, comprendre tel mot et tel mot sans aller en profondeur et sans réfléchir qu'est-ce que ça veut dire. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Il y a rien, il y a aucun mal, aucune imperfection, aucun égarement qui peut venir ni du début ni de la fin, ni de l'avant ni de l'arrière. Ça veut dire ces règles-là que je vous dis, il dit rien entre guillemets, c'est pas la vérité. On est en train de se mettre dans la réponse que eux ils prétendent que c'est un homme, que ce n'est pas un prophète. Que ça veut dire cet homme, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il prend des risques aussi démesurés que de faire une loi. Comme par exemple, aujourd'hui, imaginez, aujourd'hui dans le programme, comme ça, on va vous dire, le séminaire ici, pour vous inscrire, c'est tant de dollars. Et ça, c'est indiscutable. Celui qui ne paye pas, celui qui paye un sou de moins, va aller en enfer. Je vais vous faire peur comme ça. Imaginez que vous ne connaissez pas beaucoup, etc. Je vais vous faire peur. Celui qui paye un sou de moins, il va aller en enfer. Celui qui paye un sou de plus, il va aller en enfer. C'est ça le prix. Ce prix-là, je vais inventer un hadith daïf comme ça, un hadith faible. Je vais dire ce prix-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui aime le prix de tant de dollars, il va aller en... N'est-ce pas? Qu'est-ce que je viens de faire? Erreur fatale. La semaine prochaine, ils vont nous augmenter le loyer de la salle. On ne va plus pouvoir couvrir les frais, n'est-ce pas? Khalas, c'est fini. On va devoir s'endetter pour pouvoir continuer à faire les séminaires pour louer la salle. Vous voyez, donc, le fait de, comme ça, te mettre des restrictions et de fermer la porte, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est confiant. Et plus que ça, ces lois-là sont restées du temps du prophète, alayhi salatu wassalam. Elles sont passées de génération à génération à génération et elles ont construit toute une civilisation. Y a-t-il quelqu'un dans ce monde qui est raisonnable, qui est honnête, qui sait de quoi il parle? Je ne parle pas des gens là, je ne parle pas des gens dans la rue qui jettent des pierres, ils mettent des graffitis comme ça sur le masjid ou autre chose. Je ne parle pas de ce type de personnes. Je parle des personnes instruites, qu'ils soient juifs, chrétiens, athées, n'importe quelle chose. Y a-t-il quelqu'un qui peut débattre du fait, au moins, que les musulmans ont construit une civilisation? Que quand tu parles de l'Andalousie, etc., etc., que les musulmans, pendant plusieurs siècles, ils étaient une superpuissance dans cet univers. Non, l'histoire le prouve que ça, c'est la vérité. L'histoire te prouve qu'il y a même, n'est-ce pas, des lettres écrites par des rois, comme ça, des dignitaires de l'Occident, etc., qui ont écrit des lettres, n'est-ce pas, à des califes musulmans, etc. C'est comme, c'est pas moi, c'est comme, comment il s'appelle lui? Husni Mubarak ou Bouteflika ou n'importe quelle chose comme ça, qui va écrire une lettre à Obama, n'est-ce pas? Il va dire, s'il te plaît, je te supplie, comme ça, etc., n'est-ce pas? C'est comme presque serviteur à maître. Tu vas lire dans l'histoire, tu vas trouver que c'était le contraire, parfois. Des rois de grande puissance qui envoyaient au calife comme ça pour lui demander, s'il te plaît, je te supplie, si tu peux, s'il te plaît, accepter de me laisser faire passer mon armée. Non, il n'y a personne qui peut te dire que ce n'était pas vrai, que les musulmans n'ont pas été une superpuissance pendant plusieurs siècles, en Andalousie, etc. Et ces musulmans-là, l'histoire le prouve aussi, quand ils étaient une superpuissance, ils se référaient à cette loi, à la lettre. Ils disaient que ce Coran-là, c'est notre loi. Ça veut dire qu'ils avaient les mêmes restrictions que cet homme, qui était Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'une loi peut avoir des restrictions comme ça et rester pendant des siècles et donner lieu à des superpuissances? Impossible. Ça ne peut venir que d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Je vais vous donner quelques exemples plus détaillés comme ça. Savez-vous, et une fois on avait fait toute une mini-conférence sur ça, un mini-discours sur ça, j'espère qu'un jour, inshallah wa ta'ala, j'aurai un peu de temps pour pouvoir faire plus de recherches dans ce domaine. Parce que j'ai fait, avec un peu de recherche, j'ai trouvé plein d'informations. Que dire si quelqu'un se spécialisait dans ce domaine-là? J'ai trouvé plein de documents écrits par des personnes, des penseurs, des recherchistes, des historiens, etc., occidentaux, qui ne sont pas musulmans. Ils qui ne croient pas en islam en tant que religion. Ils y croient en tant que civilisation. Et ils te disent, il y en a plusieurs qui sont arrivés à cette conclusion, qu'une grande partie des lois qu'on appelle du monde démocratique, occident de nos jours, du monde civil, des lois civiles, pour ce qui est du code civil, de la famille, de la politique, économie, etc., une grande partie a été inspirée des lois des musulmans en Andalousie qui venaient de Al-Fiqh, du Madhab de l'Imam Malik, rahimahullah ta'ala. Ça veut dire tout ce que tu vois aujourd'hui comme loi, etc., et ça, en plus des paroles de l'Occident, c'est la vérité. En plus des paroles, en quelque sorte, historiques, si tu compares, tu vas voir que c'est vrai. Si tu compares avec nos livres de fiqh, une grande partie des lois qui émerveillent les gens de nos jours, et que les gens, ils te disent, ah, on veut plus cette sharia, on veut quelque chose de nouveau, et on veut que vous nous rameniez la liberté, etc., etc., il veut arriver comme ça à son oreille, il veut aller de l'autre côté. À la place de venir à l'oreille qui est la plus proche de sa main, il veut aller faire tout le chemin comme ça pour revenir au même point. C'est un peu comme les enfants, n'est-ce pas? Les enfants, vous avez vu les enfants? Les petits enfants comme ça, tu dis, ah, je veux tel bonbon. Et il regarde l'emballage. Tu dis, voilà. Il dit, non, je veux le bonbon que lui, il a, celui que l'autre enfant, il a. Tu vas prendre le même bonbon, tu vas aller à l'autre enfant, tu dis, prends-le. Et tu le reprends comme ça, tu fais semblant, tu reviens à l'enfant, il va être tellement content. C'est exactement l'exemple de plusieurs musulmans, n'est-ce pas? C'est sa propre religion à lui, ses propres lois à lui, qui ont été prises partiellement, bien sûr, et changées, parce qu'ils ne croient pas, ils ne vont pas prendre des choses comme l'alcool, les haram, etc. Ça, c'est... Mais qu'ils ont modifié, ils ont adapté, après ça, ils ont pu pouvoir construire leur civilisation avec ça. Et après ça, pour nous dire à nous, en tant que musulmans aujourd'hui, que votre loi, c'est une loi qui est rétrograde. Et ça, c'est insultant. C'est insultant à la raison. N'importe quelle personne sincère, comme ça, ouverte d'esprit, spécialisée en droit, qui sait que ça veut dire le droit, les lois, une personne instruite qui va étudier le fiqh de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, le minimum qu'il va te dire, il va te dire c'est beau, ça c'est du solide. Il peut ne pas y croire en tant que message d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est impossible qu'il va te dire que ça c'est des mensonges, ou c'est quelque chose de rétrograde, etc. C'est tellement détaillé, comme j'ai mentionné déjà cet exemple. Une fois un frère converti, qui est un avocat, mashallah. Je parlais avec lui. On parlait comme ça de l'injustice dans les pays musulmans, etc. Il m'a dit, tu sais quoi mon frère? Je pense que les musulmans, ça serait tellement intéressant si au moins dans leur système de justice, on voit toute l'injustice qu'il y a dans les pays musulmans, s'ils pouvaient s'inspirer de notre système juridique que nous avons en Occident. Parce que c'est tellement beau. J'ai dit comme quoi, vas-y mon frère. Il m'a dit, tu vois mon frère, honnêtement avec toi, on a ce beau principe en Occident qui dit que quoi? C'est le principe qu'on appelle le principe de la présomption d'innocence. Ça veut dire que quand on te ramène devant un juge, on te dit que tu es coupable, toi tu es un criminel. T'as pas à dire, moi je suis pas un criminel, à cause de tel, à cause de tel et à cause de tel. Tu vas t'asseoir sur ton siège comme ça et tu vas dire, vous prétendez que je suis un criminel, prouvez-le. Sinon vous me mettez dehors, je sors, et je reviens chez moi. Ça, c'est, on présume que tu es innocent jusqu'à la preuve du contraire. Et ça c'est beau, c'est de la justice, n'est-ce pas? Alors c'est l'un des points les plus beaux du système de justice en Occident par rapport à ce que nous avons dans notre pays. Dans notre pays, que tu sois chez toi, que tu sors, que tu t'évades dans l'océan, tu es accusé par défaut. Tu es un criminel par défaut. Partout, tu es vu comme étant un criminel. Est-ce que c'est à cause de l'islam? Non, bien au contraire. Bien au contraire, voyez-vous? Dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ce principe de présomption d'innocence, il existe depuis des siècles. Et on peut le trouver. Tu vas chercher dans n'importe quel livre de fiqh de n'importe quel siècle, tu vas le trouver. On va te dire toujours al-aslu bara'atu dhimma. Toujours. La règle, c'est l'une des règles de usul fiqh, de al-qawa'id fiqhiyya. La règle, c'est que tu es libre de toute responsabilité. C'est à eux de prouver. Si quelqu'un il veut te faire porter un fardeau, c'est toi qui le prouves. N'est-ce pas? Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal-yaminu 'ala man ankar. C'est à la poursuite de ramener la preuve. Et celui qui dit non, non, non, qui rejette, celui qui dit que moi je suis innocent et il n'y a pas de preuve contre lui, il n'a pas à prouver qu'il est innocent. Tout ce qu'il a à faire, c'est quoi? C'est al-yamin, à jurer. Il dit uqsimu billah, wallahi, par Allah, je ne suis pas le criminel. Tant qu'on n'a pas de preuve contre toi, tu reviens chez toi, mon frère. Voyez-vous, donc ça, c'est seulement un exemple de ce miracle législatif, de quelque chose qui a été formulé, soi-disant, par un homme comme ça, il y a de cela 14 siècles, au milieu du désert. Est-ce que ça peut être un homme normal? Non. Fadal. Oui, mon frère. Al-aslu bara'atu dhimmati. Al-aslu bara'atu dhimma. La règle, c'est que ta dhimma, c'est un concept moral qui représente ta responsabilité. C'est comme si, regarde, c'est comme si toi, tu étais comme ça une machine et tu as une petite boîte ici dans laquelle on va mettre toutes tes responsabilités. Tu es endetté de $3,000 envers le frère ici. Tu as commis un crime envers l'autre frère, tu dois lui demander pardon. Ça, c'est tes responsabilités, c'est ta dhimma, n'est-ce pas? Tu dois faire 2 jours de siyam, de rattrapage, etc., etc. Alors, la règle, c'est que cette boîte-là, elle est vide, jusqu'à la preuve du contraire. Ça, c'est la règle dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va voir ça quand on va faire le qawa'id fiqhiyya, incha'Allah, subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Vous savez, même si, honnêtement, des exemples comme ça ne m'intéressent pas beaucoup. Moi, ce n'est pas quelque chose qui m'émerveille. Non, nous, on connaît notre religion à travers notre croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est des exemples qui peuvent nous servir. Quand tu fais la da'wah, etc., tu vas trouver des gens comme ça, ils vont te dire, le Coran, là, c'est le livre à brûler, le livre le plus inutile dans le monde, et telle chose, et telle chose, et telle chose. Tu vas dire, imagine que l'un des fondateurs des États-Unis, d'Amérique, l'un des fondateurs principaux, Thomas Jefferson, il avait sa propre copie du Coran Karim, qui existe jusqu'à aujourd'hui. Dans le Congress, dans la librairie du Congress, elle existe jusqu'à aujourd'hui. C'est la copie de Thomas Jefferson. Est-ce que cet homme-là était, selon vous, un fou? Est-ce qu'il n'avait rien à faire dans la vie pour ouvrir le Coran et le lire? Est-ce que c'était du divertissement pour lui? Des distractions? Pour quelqu'un qui était en train de fonder de quelque chose qui va devenir par la suite l'une des superpuissances dans l'histoire? Là, quand tu as quelqu'un comme l'ancien premier ministre, Tony Blair, et l'interview, elle est sur Internet. Vous pouvez la trouver dans son intégralité avec un journal en Angleterre. Je ne me rappelle plus c'était quel journal exactement. Independent ou bien un autre. Mais moi, je l'ai lu et j'ai la copie chez moi, etc. Ils ont fait une entrevue avec lui comme ça. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils sont arrivés à ce point-là. Malgré toute la haine qu'il avait contre les musulmans, malgré tout ce qu'il a fait en Afghanistan, les milliers de personnes qu'il a tuées, etc., Tony Blair, il a reconnu que lui, il lisait le Coran à chaque jour. À chaque jour, il lit le Coran al-Karim. Il a dit parce que ça m'inspire. Je trouve des choses inspirantes à l'intérieur. Pensez-vous que cet homme-là n'a rien à faire, n'a pas de lecture à faire dans sa vie? Un homme qui est un premier ministre d'Angleterre et qui est enseignant dans les grandes universités du monde, etc. Et qui a de l'argent, et qui, il n'a pas de temps libre, il n'y a pas de temps mort. Et qu'il a plus de temps que plusieurs d'entre nous musulmans, il lit le Coran de façon quotidienne, ce que plusieurs d'entre nous, on ne fait même pas malheureusement. Pensez-vous que ça c'est un livre qui est comme ça, qui ne sert à rien? Là, est-ce que ça en tant que tel c'est un miracle ou non? Bien sûr que c'est un miracle. Pas à cause de Tony Blair en tant que personne, mais à cause du fait qu'un homme a soi-disant écrit un livre il y a de cela 14 siècles, et que ce livre après 14 siècles, il est au top des intérêts des personnes les plus influentes dans le monde. Après 14 siècles. Même s'il ne croit pas en sa foi et en sa religion, alayhi salatu wa salam. Quand on parle des finances islamiques, on va bientôt finir, Charles. Tu m'as dit la pause. Mais on n'a même pas fait. On vient de faire 1h02. Un peu de patience, on va presque finir, Inch'Allah. Quand on parle des finances islamiques, quand il y a eu la crise financière en 2009, dans le monde, en Occident, il y a un grand nombre de chercheurs, de spécialistes en finance, etc., en Occident, qui ont écrit des articles clairs là-dessus, qui ont dit la solution se trouve dans les finances islamiques. Vous voulez sortir de cette crise? Voilà les sources de vos problèmes, les intérêts, telle chose, telle condition, telle façon de fonctionner dans la bourse, etc., etc. Vous voulez sortir de tout ça? Regardez ce que les musulmans, ils ont dans leur législation, dans les finances islamiques. Tu n'as pas le droit de faire d'intérêt, l'usure. Et quand tu vends dans la bourse, tu ne peux pas vendre quelque chose comme ça qui est de la pure spéculation. Tu vends quelque chose qui n'existe pas et tu achètes quelque chose qui n'existe pas. Ils ont dit non. Et certains d'entre eux ont même imposé, ils ont proposé d'imposer les mêmes conditions qui ont été mentionnées dans le madhab. Je ne me rappelle plus si c'était de Abu Hanifa rahimahullah ou bien Imam Malik rahimahullah, qui est le fait de faire at-taslim. Ça veut dire de livrer ta marchandise dans un délai de 3 ou bien de 7 jours. Je ne me rappelle plus. Il y a ici, pour vous donner un exemple, comme ça juste hier je me suis rappelé, je l'ai chez moi encore une fois, l'article en version électronique. Le magazine, le journal semi-officiel du Vatican, qui s'appelle, je ne parle pas italien, c'est juste le nom qui s'appelle comme ça, donc ne pensez pas que je parle italien comme ça, que je vais faire des cours en italien. Le journal s'appelle l'Osservatore Romano. Il y a un article dans ce journal. Hein, cappuccino. ça, je le connais, alhamdoulilah. Il y a un article dans ce journal, le journal semi-officiel du Vatican, qui est distribué à l'intérieur du Vatican, qui en 2009 a dit qu'on devrait envisager les finances islamiques comme une solution à notre crise financière. Et quelques temps plus tard, nous avons des universités, notamment en France, à Paris, n'est-ce pas la France qui dit que les musulmans doivent enlever leur hijab, leur voile, telle chose, n'est-ce pas? Malgré tout ça, en France, il y a une université en France à Paris qui a ouvert tout un département d'études en finance islamique à Paris. Et quand j'ai vu le reportage, les personnes qui s'inscrivaient à ce département en général, qui se sont inscrits au programme dès son début, la majorité d'entre eux n'étaient pas des musulmans. C'était des... Donc tu ne peux pas dire qu'ils l'ont fait pour les musulmans, pour avoir l'argent, parce qu'il a une grande clientèle. Non, c'était des non-musulmans qui se sont inscrits à ce programme. La même question qui se pose, est-ce que c'est logique qu'un homme au milieu du désert, il y a de cela 14 siècles, nous invente un système financier qui, du moins de ce qu'on peut dire, va faire la concurrence aux plus grands systèmes financiers et aux idées des plus grands experts de nos jours. En 2013, en 2012, en 2010, en 2009, ça importe peu. Le prophète alayhi salatu wasalam n'avait ni Excel pour faire des graphiques comme ça et pour analyser, ni de bibliothèque, ni de PDF, ni de base de données, faire des recherches, ni des analystes et des conseillers pour, n'est-ce pas, ni la bourse comme ça et sur ton iPhone et tu regardes la bourse qui monte et qui descend, etc. Malgré tout ça, il t'a proposé. Est-ce que ça peut être les idées d'un seul homme? Non. Maintenant, regardez. Si on regroupe tout ça, donc déjà chaque chapitre en tant que tel, c'est toute une histoire. Chaque chapitre est un miracle en tant que tel. J'ai oublié de vous mentionner aussi un autre exemple. La politique, une autre chose qu'on vous dit souvent en islam, c'est que de votre religion, enlevez la politique comme ça. Au moins la politique. Enlevez la politique et vous gardez le reste, la prière, ok, le voile, on va accepter. Mais la politique, vous la mettez de côté. Dans notre fiqh, dans les livres de fiqh, il y a des choses et des écrits, surtout dans le madhhab de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah. Ils se sont distingués par des écrits extraordinaires. Il y a de cela plusieurs siècles. Sur les relations internationales. La politique internationale en islam. Et il te parle de tout. Le droit même d'un ambassadeur. Les ambassadeurs de nos jours, il y a un ambassadeur, une ambassade. Même les règles des ambassadeurs sont détaillées. Jusqu'au point où il y a eu plusieurs chercheurs allemands, plus spécifiquement les Allemands, je ne sais pas pourquoi, des orientalistes comme ça, qui se sont beaucoup intéressés, qui ont écrit des livres, des études comme ça, sur par exemple le fiqh de Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani, pour ce qui est des relations internationales, et telle, et telle, et telle chose. Ils ont accordé beaucoup d'importance à ce chapitre. Et subhanallah, si tu vas le lire, il y a juste une, pour ceux et celles qui lisent la langue arabe, il y a une thèse de doctorat que vous pouvez trouver sur internet, télécharger ces deux volumes comme ça, s'appelle Fiqh al-Ala'iq fi Dawlat al-Islamiyya, le fiqh des relations internationales dans l'État musulman. Et subhanallah, lui, tout ce qu'il a fait, le chercheur, c'est qu'il a ramené toutes les informations de le fiqh et les a organisées selon l'organisation académique que nous avons de nos jours. Tu vas dire, subhanallah, tout ce que tu trouves dans les conventions internationales, etc., etc., c'était chez nous depuis plusieurs siècles, et c'est quelque chose qui est authentifié. Donc, comme j'ai dit, pour conclure, inshallah ta'ala, pour prendre notre pause, chaque point de ce qu'on vient de mentionner en tant que tel, c'est un miracle. Et plus grand que tous ces miracles, c'est que tous ces miracles-là se rassemblent en un seul homme, en un seul message. Et ça, c'est impossible, humainement impossible. Ça veut dire, combien d'entre vous ici pensent qu'on peut trouver dans ce monde une personne comme ça, qui est un expert en économie? Ça veut dire, quand on parle d'économie, la télé va le ramener, ils vont dire lui, c'est l'expert de l'économie. Expert en psychologie et expert en politique. 3 PhD, psychologie, politique, économie, et pas seulement, on ne parle pas seulement de PhD, parce que PhD, ça ne veut rien dire. PhD, ça veut dire que tu es beaucoup plus haut que le reste, que la majorité de la société, mais un expert, habituellement, c'est quelqu'un que c'est la référence du pays, en quelque sorte. Ça veut dire que ton nom se distingue. Est-ce que vous pouvez trouver une personne comme ça qui regroupe juste 3 domaines, comme ça, dans le monde? Est-ce que c'est possible? Impossible. Pour que tu deviennes expert en un seul domaine, habituellement, toute ta vie. C'est pour ça qu'habituellement, en général, les grands experts comme ça, les vrais experts reconnus, pas n'importe quelle personne, il te ramène de l'université, quelqu'un qui est reconnu. Ça veut dire, dans le monde, quand lui, il part dans ce domaine, tout le monde se tait. Habituellement, c'est qui? Avoir un vieux comme ça, avec de grosses lunettes, n'est-ce pas, grosse barbe, comme ça, et courbu, parce qu'il est toujours passé sa vie dans sa bibliothèque, à lire tel et tel et tel livre, n'est-ce pas? Ça, c'est l'économie. sors-le de l'économie comme ça, dis-lui, parle-nous un peu de l'éthique, de la psychologie. Personne qui est en état de détresse, qui a de l'angoisse, etc., donne-lui comme ça des conseils en psychologie. Il va rester muet, il va te dire, je ne sais pas. N'est-ce pas? Donc, la vie ne permet pas de devenir un expert dans toute chose. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'expert de l'histoire. Ok, vous avez dit, il a appris des gens du livre, etc. Il a passé sa vie, ils lui ont appris, je ne sais pas moi, quelque part au sous-sol, dans une grotte. Il a appris les histoires de tous les prophètes, etc. Taïb. Et la politique. Peut-être il a lu tous les livres de tous les Romains et les Perses, etc., ce qu'ils avaient comme civilisation, comment ils ont fait leur système politique. Très bien. Et l'économie. Ah, peut-être il a fait... Est-ce que ça a du sens? Et tu ajoutes à ça, et la psychologie après ça, la psychologie en passant. La psychologie, notre spiritualité, c'est une psychologie, n'est-ce pas? En islam, ça te parle de quoi? La patience, le sabr, ar-rida, n'est-ce pas? Et c'est mille et une fois meilleur que toute forme de psychologie dans le monde. C'est pour ça que tu trouves ici en Occident la psychologie, des départements de psychologie, etc. Tu lui ramènes quelqu'un, il essaye, il te dit ça fonctionne pas. Le gars, il est en train de pleurer, il déprime, etc. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai perdu ma job hier. Je pense à me suicider, à faire telle chose. Et tu dois payer de l'argent pour lui ramener des psychologues, etc. Parce qu'il a perdu son emploi. Tu vas voir dans les musulmans, les vrais musulmans bien sûr, ceux qui comprennent leur religion, qui lisent leur religion, tu vas trouver des gens au milieu du désert, n'a pas de quoi manger, son fils vient de mourir hier de faim, son épouse est malade, etc. Tu lui parles, il te fait un sourire, il te dit « Alhamdulillah, qadarullahi azza wa jal ». Lequel qui est le plus puissant? C'est le message du prophète, alayhi salatu wasalam, encore une fois. Est-ce qu'un homme peut vraiment être comme ça, le meilleur dans toute chose, et te ramener la meilleure chose dans toute chose? Impossible. Ça veut dire que ça ne peut venir que d'Allah subhanahu wa ta'ala. En plus du fait, bien sûr, je vais clore avec ce point, je vous promets, inshallah. En plus du fait, c'est parce que c'est une réflexion, il faut qu'on continue la réflexion jusqu'à la fin, sinon ça va se couper. En plus du fait que le prophète, alayhi salatu wasalam, si tu vas voir sa vie, c'était pas la vie de quelqu'un qui avait du temps pour apprendre. Nous, les frères ici, les frères et les sœurs aussi, question qui se répète toujours, le mariage. Je veux me marier, mais je ne peux pas marier. Pourquoi tu peux pas te marier? Wallahi, c'est beaucoup de responsabilités parce que je dois finir mon bac à l'université, etc. Donc voilà, je ne sais pas, est-ce que tu me conseilles de marier maintenant, même si c'est un peu difficile, ou bien de finir mes études, n'est-ce pas? Pour un petit certificat que tu veux faire, tu vas devenir un travailleur de masse au sein de la société qui ne vaut pas grande chose. Tu viens d'avoir un bac en quelque chose, tu vas travailler, on va te payer. Tu n'es ni un expert, ni un docteur, ni une maîtrise, ni rien du tout. Et tu veux commencer une petite vie comme ça, un petit mariage, un mariage. Un seul mariage. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait, à un certain moment donné de sa vie, en même temps, 9 épouses. Et il prenait en charge ces 9 épouses. Et il était le chef d'État suprême. C'était le prophète. Tout le monde revient vers lui, alayhi salatu wassalam. Il faisait la politique. Et il faisait la guerre. C'était le chef des armées, alayhi salatu wassalam. Et la nuit, il priait pendant 4-5 heures, comme on l'a vu au début, avec surat al-Nisa, surat al-Baqara, surat al-Imran, dans une raka'a. Et il réglait les problèmes des gens. Nous avons le hadith, n'est-ce pas, qui nous dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, parfois il y avait al-jariya, n'est-ce pas, la jeune fille comme ça dans la Médine, elle vient, elle le trouve quelque part, elle le prend par sa main et elle le prend là où elle veut. Elle veut se plaindre, elle veut lui raconter ses histoires, j'ai un problème avec telle personne, avec mon père. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, parce qu'il était, il avait al-haya, alayhi salatu wassalam, il n'osait pas dire non, j'ai pas le temps, il va partir avec elle. Et elle va lui raconter tout, etc. Est-ce qu'un être humain comme ça a le temps d'apprendre? Non. Comme j'en mentionne, habituellement, les personnes qui apprennent, qui veulent devenir des experts, oublie-le. Il va être à l'intérieur de son bureau, comme ça, avec la lanterne, et en train de lire. Tout ça pour pouvoir peut-être atteindre un degré, en quelque sorte, de spécialisation et d'expertise dans un seul domaine. Wallahu ta'ala, a'la wa'ala. Oui, mon frère. Et je peux pas t'entendre, mon frère. Oui. Il y en a plein. C'est pas une seule personne, ce n'est pas deux personnes. Barakallahu fik. Non. Comme j'ai dit, subhanallah, si on parle de la question de temps, regardez, n'est-ce pas, les grands dirigeants du monde, ceux qui travaillent vraiment, pas les dictateurs. Les dictateurs, ils ne font rien, n'est-ce pas? Il règne avec son image, il est assis, tout le monde fait le travail pour lui. Mais les grands dirigeants, que ce soit des compagnies ou bien politiciens, etc., ils vont faire ça pendant 8 ans, 9 ans maximum. Après ça, il va te dire, ah, tazil, j'arrête la politique et je veux prendre un peu soin de ma famille. Ils utilisent tous la même excuse. Ils ont pris un peu d'argent comme ça à droite, à gauche, mais ils te disent, je veux consacrer du temps à ma famille. N'est-ce pas, le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a fait jusqu'à sa mort, alayhi salatu wassalam. Oui. Très bonne question. Le frère, il dit, est-ce qu'on a de nos jours? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de nos jours? Et est-ce qu'on a de nos jours des savants qui sont spécialisés, qui peuvent vraiment t'apporter des questions sur l'islam, des réponses sur l'islam dans des domaines très spécifiques et très précis? Malheureusement, la réponse, c'est que non, c'est très rare. Il y en a, mais c'est très rare. Et l'accès à eux est très difficile. Pourquoi? La raison est très simple. C'est parce que pour que quelque chose se développe, n'est-ce pas, pour qu'il y ait l'offre, comme ils disent, on doit toujours avoir de la demande. Quand la demande n'est pas là, c'est logique. L'offre ne va pas se développer. Elle va mourir avec le temps. S'il y a un produit que les gens n'achètent pas, ils n'ont pas besoin de ce produit, ils n'en veulent pas, est-ce que le produit va se développer? Non, il va mourir. C'est pour ça qu'il y a plusieurs produits qui se développent. Et après ça, après quelques temps, tu vas aller changer tes accessoires et te disent, on n'en fait plus. La compagnie a fermé. Pourquoi? Les gens n'en veulent plus. Ici, c'est le même exemple. Quand tu as une umma, une nation qui ne veut plus en général comme ça, qui ne veut presque plus de sa religion, les gens ne sont pas intéressés par ces questions. C'est une personne sur 1 million qui va te poser la question. Donc déjà, le savant lui-même, est-ce qu'il se sent motivé à étudier, à faire des recherches? Non. En Occident, les gens qui se respectent, ils veulent construire une civilisation, être puissants, ils ont des centres de recherche sur presque toute chose que tu peux imaginer dans ta vie. Tu sais que si tu vas te spécialiser dans tel domaine, tu finis aujourd'hui, demain, tu vas être embauché. Et tu vas faire tes recherches, et les recherches, ça va servir à quelque chose, etc. De nos jours, le savant, il va te dire, si moi je vais étudier plus cette question, ça va servir à quoi? C'est une personne sur 1 million qui la demande. Et quand il la demande, c'est pour que lui donne la réponse théorique. On va rire, un sourire comme ça. On va dire, Inch'Allah, peut-être un jour les musulmans vont le faire. Mais personne n'est intéressé à l'implémenter. En plus du fait que ce savant-là, toi, tu ne lui donnes même pas les conditions qui sont favorables. Ça veut dire habituellement un savant, comme toute personne dans sa vie, il doit avoir une source de revenus, il doit vivre. S'il doit se spécialiser sur un domaine spécifique, il doit vivre de quelque chose. Ça veut dire soit que l'État va dépenser sur lui, soit que les riches vont dépenser sur lui, soit qu'il va faire des produits, écrire un livre, n'est-ce pas, dans lequel il va résumer ses résultats et que les gens vont l'acheter, etc. Maintenant, si l'État ne veut pas de toi, les musulmans et les riches ne veulent pas de toi, ton livre, si tu vas l'écrire, il ne va pas se vendre, et telle chose, et telle chose, et telle chose, est-ce que le ilm va se développer? Non, il ne va pas se développer. C'est parce que l'ilm, il va se développer avec la demande. Quand il y a la demande, il y a l'offre. Et si vous vous rappelez bien, quand on avait parlé des héritiers des prophètes, on avait parlé de ce point. On avait parlé de l'importance de poser la question. C'est parce que quand tu poses la question à un savant, parfois le savant n'a pas le goût, n'a pas la motivation de commencer à te dire, viens mon frère, je veux t'apprendre quelque chose, je vais te faire un cours. Non, le savant, c'est un être humain, il a des choses dans sa tête, il pense à sa famille, etc. Mais si toi, tu vas mettre le feu comme ça, il va poser la question, c'est là où tu viens de le mettre on. Il va te répondre. Et toi, tu vas commencer à débattre. Mais qu'en est-il d'eux? Et là, il va vouloir te répondre plus. Et ça va sortir. Mais quand le savant, il voit qu'il n'y a pas d'intérêt, il ne sera pas intéressé aussi à partager avec toi. Voilà, mon frère, regarde, c'est pas une question de moyens. Les moyens ne manquent jamais dans le monde. Alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il est ar-razzaq. C'est une question de volonté. Les moyens, ça ne coûte pas grand-chose. Même ici en Occident, nous avons les moyens. C'est une question de volonté. Les gens ne sont pas intéressés, que ce soit dans les pays riches ou bien dans les pays pauvres. Les gens, la situation de nous en tant que musulmans aujourd'hui, sauf illa man rahima rabbuk, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit dans le Coran Karim, alladhina radu bil hayati dunya wa watma'annu biha, n'est-ce pas? Dans les pays pauvres, les gens, les pauvres, ils sont occupés à chercher leur pain à chaque jour. Il sort le matin à 6h du matin, il va revenir le soir à 11h du soir pour pouvoir ramener un peu de pain pour ses enfants, pour qu'ils mangent. Il n'y a pas de temps pour penser à ce genre de choses. Dans les pays riches, les gens, illa man rahima rabbuk, ils sont contents d'être sur leur sofa comme ça, que l'estomac est bien rempli comme ça, trois plats de riz comme ça qui sont entrés, tout le reste qui reste ici, ramène-moi un thé. C'est ça la vie. ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَا الْعِلْمِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّ. Comme on l'a mentionné, pour ne pas généraliser, parce qu'il va toujours y avoir du khayr dans la umma du prophète, alayhi salatu wasalam. Non. Oui, mon frère. Ouais. Justement, sachant qu'ici en Occident, on n'appliquait pas forcément Sharia l'islamien. Non. Donc, ça, quel est justement le chèque justement de un musulman qui deviendrait avocat et qui travaillerait ici avec les lois d'ici? Taïb, ça c'est tout un sujet. Je vais donner une réponse brève, comme ça en général. Les savants, ils ont mentionné que si une personne travaille comme un avocat dans un pays dans lequel on n'applique pas la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de mal, sauf que son intention doit être l'intention de faire la justice, d'aider vers la justice. Ça veut dire qu'il ne doit pas participer à défendre une cause qui est fausse. Ça veut dire qu'il ne doit pas le faire seulement pour de l'argent. Si un criminel il vient chez toi, il dit « j'ai besoin, je veux t'engager, etc. parce que je veux que tu m'innocentes », il dit « je m'excuse, mais tu es un criminel, je ne peux pas te défendre ». C'est aussi simple que ça, n'est-ce pas? Tu vas le faire pour défendre ce qui est déjà un droit dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. جزاكم الله طيب on va s'arrêter inshallah ta'ala pour quelques minutes. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.